Le flacon d'argent par Eugène Berthoud. Chapitre 1er. Comment Octave reçut trois souhaits invraisemblables. Le Tilbury du comte Octave de Soubran filait comme une flèche malgré les myriades de voitures qui sillonnaient la grande avenue des Champs-Élysées. C'était à la fin d'une tiède journée du mois de mai. Le comte Octave, joli jeune homme de 27 à 28 ans, le lorgnon à l'œil, la moustache retroussée, un odorant cigare aux lèvres, le visage épanoui et, pour ainsi dire, baigné dans les magnétiques effluves du printemps et de la jeunesse, dirigeait sa jument anglaise avec l'élégance et l'habileté d'un parfait gentilhomme. Auprès de lui, renversé en arrière et les bras croisés, se tenait son groom, raide, attentif et digne, comme il convient à un domestique de bonne maison. À chaque instant, le comte croisait soit une calèche armoriée, soit un petit coupé bas abritant quelques figures amies. Alors, et selon que la personne qu'il rencontrait habitât les solitudes du faubourg Saint-Germain ou les régions cythéréennes du quartier Bréda, il s'inclinait gracieusement ou lançait du bout de ses doigts gantés un simple geste de familiarité. C'était un garçon fort répandu qu'Octave de Soubran. Il avait soulevé une à une toutes les couches de la société parisienne pour y suivre ce filon d'argent ou d'étain qu'on nomme le plaisir. Ne vous étonnez donc pas s'il récoltait sur son passage aussi ample moisson de regards expressifs, de suaves sourires et de tendres saluts. Il eut bientôt dépassé l'Arc de Triomphe. Redoublant de vitesse, il arriva à la porte Maillot et entra dans le bois de Boulogne. Là, il parut se consulter un instant, puis tout à coup, il jeta les guides aux mains de son groom et sauta légèrement à terre en fredonnant une ariette de Rossini. « Attendrai-je ici, monsieur le comte ?» demanda le domestique. « Non, Joseph, non, ne m'attendez pas, ce serait trop long, » dit Octave avec un gai sourire qui découvrit des dents magnifiques. Le nez subtil de Joseph flaira incontinent une intrigue d'amour et se dilata de la façon la plus malicieuse. « En ce cas, » dit-il, « je rentre à l'hôtel. Inutile, mon garçon, l'hôtel ne m'appartient plus. »« L'hôtel de monsieur le comte n'appartient plus à monsieur le comte ?» balbutia Joseph avec une surprise tempérée par le respect. « Je l'ai vendu, » dit M. de Soubran, et il ajouta en riant et en se parlant à lui-même, « Il fallait bien payer mes créanciers. » Joseph dressa dans les airs de bras tremblants de stupéfaction. « Monsieur le comte paye ses créanciers, » soupira-t-il en roulant de grands yeux effarés, qui disait clairement, « La résurrection de la chair est-elle proche ?» Mais un regard sévère de son maître réprima ce jeu trop indiscret de physionomie, et le fidèle serviteur reprit aussitôt, « Où conduirai-je le Tilbury et Miss Anna ?»« Chez le duc de Villeurier. Il m'a acheté mes meubles et mes équipages. »« Le Tilbury aussi. »« Miss Anna aussi. » murmura la voix faible du groom prête à s'évanouir d'étonnement. Puis soudain, « Et moi, monsieur ?» s'écria-t-il avec angoisse. « Vous, Joseph ?»« Oui, monsieur et moi. Où faut-il que j'aille ?»« Eh, mais où il vous plaira, mon ami ?»« Où il me plaira ?» scanda le groom qui craignait de comprendre. « Sans doute, n'avez-vous pas reçu vos gages ce matin ?» C'est-à-dire que M. le comte, avec sa générosité habituelle, me les a payés au triple et au quadruple, ce dont je remercie humblement M. le comte, mais, eh bien... Mais, cela ne veut pas dire, j'ose l'espérer. N'espérez pas, Joseph, cela veut dire que vous êtes libre. Libre, monsieur, moi ? Libre comme une hirondelle. Le groom devint blême. Alors monsieur me congédie. Je ne vous congédie point, Joseph. Mais n'ayant plus besoin de vous, je vous engage à chercher fortune ailleurs. Voilà tout. Monsieur le comte a donc eu à se plaindre de mon service ? Nullement, mon garçon. Je vous ai toujours connu ivrogne, menteur et paresseux, c'est vrai. Mais ces défauts sont restés chez vous à l'état stationnaire. Ils n'ont ni augmenté ni diminué, et je n'en ai pas souffert outre mesure. Enfin, vous avez de la tenue, et vous ne me volez pas beaucoup plus que vos collègues. Au demeurant, vous êtes un bon domestique, et j'ai signé vos certificats en conséquence. Soyez donc sans crainte et bonne chance. Mais, dit encore Joseph, qui bégayait de douleur, que compte faire, monsieur? Où va-t-il se loger? Qu'est-ce à dire, monsieur Joseph? Dit monsieur le Soubran de sa voix la plus hautaine. Le groom fut si effarouché par les regards impérieux de son maître, qu'après s'être incliné jusqu'à terre, il remonta précipitamment dans le Tilbury, tourna bride et disparut sans articuler un mot. Le comte, resté seul, consulta sa montre. « Allons, » dit-il avec un geste d'impatience, « je me suis trop pressé. encore une heure à attendre, et pas une arme pour tuer le temps. » Il bâilla et s'engagea à pas lents dans une allée déserte. L'atmosphère limpide et balsamique faisait éclater les bourgeons et monter la sève dans les arbres rajeunis. L'air s'imprégnait de joie. Ces vagues parfums du printemps ont des vertus enivrantes. Ils jettent dans les âmes neuves le ferment des désirs inquiets. Ils annonchalissent les âmes lassées. Peu à peu, une indicible sérénité caressa le cœur d'Octave, qui se plongea dans la rêverie et se laissa glisser sur la pente veloutée du souvenir. Il embrassa toute sa vie d'un coup d'œil, et sans doute cet examen ne lui inspira que des idées riantes, car une mendiante qui passait avec un maigre nourrisson pendu à son sein desséché s'approcha, attirée par l'expression heureuse de sa physionomie, et lui tendit silencieusement la main. Octave, pris de pitié devant cette figure hâve et flétrie, se fouilla et découvrit, non sans étonnement, un louis oublié dans un coin de son gilet. « Tenez, ma bonne femme, » dit-il en le donnant à la pauvresse, « c'est mon dernier. »« Je prierai Dieu pour vous, » murmura la mendiante, ivre de joie. « Il vous enverra la richesse. » Le comte, qui déjà continuait sa promenade, se retourna les sourcils froncés. « Gardez pour vous vos vœux stupides, » s'écria-t-il avec colère. La pauvre femme le crut fou et s'enfuit à la hâte. Octave se remit en marche en haussant les épaules, et il tâcha de ressaisir les lambeaux de son rêve interrompu. Cette fois, il évoqua dans son esprit les images des femmes qu'il avait aimées, et toutes ces radieuses fées de sa jeunesse, phalanges roses et souriantes, listes interminables comme celles de Don Juan, vinrent s'égrener dans l'écrin de sa mémoire. L'une avec sa gaieté bruyante, sa belle gaieté à dents blanches et à fossettes, son œil de diamant noir, naïf et moqueur à la fois, sa chanson d'alouette grisée par le soleil. L'autre, statue majestueuse et pensive, immobile, encadrée dans le velours et les dentelles, et livrant avec son insouciance de grande dame ses épaules marmoréennes aux nappes blondes des lumières du bal, son front hautain au regard curieux de la médisance. Celle-là, qui travaille auprès de sa mère, devant le foyer paisible, à la lueur de la lampe domestique, c'est la jeune fille recueillie, la vierge au profil pur et calme. Nul ne sait que tout son corps frissonne au moindre bruit du dehors, que ses longues paupières abaissées voilent des yeux rougis par l'insomnie, creusés par le remords, et que chaque point de son aiguille est le complice de pensées dévorantes et de secrètes angoisses. Sans autre vision, que sais-je, sans figure de femme rayonnante ou désespérée, passèrent devant Octave sans rien éveiller en lui, rien qu'un souvenir flatteur, une sensation égoïste de vanité satisfaite. Aucune de ses fibres ne palpita, aucun regret ne souleva sa poitrine. Aucun de ces doux noms, perles tombées dans le gouffre du passé, ne fit courir un sang plus chaud dans ses artères. Alors, et pour la première fois, il s'aperçut qu'il n'avait pas aimé. C'est que l'amour vrai ressemble au lion du désert. Il en a les fiertés sauvages. Comme lui, il ne hante que les solitudes et fuit les cœurs sillonnés par les folles caravanes des fantaisies éphémères. « La charité, mon bon monsieur, » interrompit une voix dolente. C'était un aveugle qui, assis sur le revers d'un fossé, humait avec délice les rayons du couchant. Ses cheveux blancs voltigeaient sur sa tête nue, et un bien-être tout matériel illuminait sa face parcheminée et noircie par le hâle. Le comte l'examina avec curiosité, puis, ayant en vain cherché dans toutes ses poches, il retira un diamant qui scintillait à son doigt et le glissa dans la main du vieillard. « Une bague ?» s'écria le mendiant stupéfait. « Oui, » dit Octave, « je n'ai pas autre chose à vous donner. »« Que Dieu vous bénisse !» s'écria l'aveugle. « Qu'il vous fasse vivre heureux, et aussi longtemps que moi. »« Encore ?» dit le comte. « Quelle rage de souhait donc ont tous ces gens-là » »« Quel âge avez-vous, mon brave ?» demanda-t-il au mendiant. « 67 ans, monsieur. »« 67 ans de misère et de souffrance, » grommela Octave. Un triste cadeau que vous demandez là pour moi à la Providence. Vous trouvez donc la vie légère à porter, vous, pauvre homme? Il y a de bons moments, dit l'aveugle. Octave le regarda avec admiration. Vous avez aimé, n'est-ce pas, quand vous étiez jeune? Je veux dire, aimé d'amour. Le vieillard eut un sourire mélancolique et doux. Ses joues blafardes se colorèrent comme un reflet d'un bonheur lointain. Oui, murmura-t-il en caressant distraitement son chien. « Oui, j'ai aimé une fois, comme tout le monde. » Le comte s'éloigna, pensif. « Comme tout le monde, » répéta-t-il à demi-voix. Serais-je une exception? Aurais-je un sens de moins que les autres hommes? Il me semble pourtant que si je l'eusse retrouvé, elle... Un petit sou, s'il vous plaît, interrompit un ramoneur qui, depuis 5 minutes, bourdonnait autour d'Octave. Ah ça, dit le comte, je ne suis pas en sûreté ici. J'y fais éclore des pauvres sous mes pas. Je n'ai rien, laisse-moi tranquille. Le ramoneur s'éloigna, le cœur gros, et Octave éprouva presque un remords de sa brusquerie. Au fait, pensa-t-il, j'ai encore ceci. Et ses regards tombèrent sur un jonc à pommes ciselées qu'il faisait siffler en marchant. Cet objet d'art ne me sera d'aucune utilité dans le voyage que je vais entreprendre. Petit, cria-t-il. L'enfant accourut au son de cette voix radoucie. Prends cette canne, lui dit Octave. Le petit crut qu'on se moquait de lui et leva ses grands yeux bleus craintifs sur le jeune homme. Prends donc, reprit doucement le comte. Ne vois-tu pas que c'est de l'or? L'enfant, d'un air timide, prit la badine et resta immobile à la même place, regardant Octave s'éloigner à pas lents. Puis soudain, il lui cria de sa voix fraîche et argentine « Ça portera bonheur à votre mariage. » Le comte se mit à rire. « Encore un souhait qui n'a aucune chance de s'accomplir, » dit-il, « mon mariage. » En effet, j'ai une fiancée qui m'attend. Elle s'appelle la mort. Mais il faut qu'elle languisse encore 20 minutes, le temps de fumer mon dernier cigare et de faire mes préparatifs de départ. Il alluma un habane sec et doré. « Diable, » dit-il tout à coup. Il me semble que j'aperçois là-bas la silhouette déguenillée d'un 4e mendiant. Quittons ce sentier. Je ne suis pas superstitieux. Mais cette avalanche de souhaits qui roule depuis un quart d'heure sur ma tête commence à m'effrayer. D'ailleurs, je finirai par me trouver aussi nu que le spirituel Hassan de Musset. Et au roman échevelé de ma vie, je ne veux point de conclusion indécente. Et le comte de Soubran, écartant Fouré et Taillis, s'enfonça au plus profond du bois.